Bonjour tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport complet de l'édition du 15 janvier. Lors de l'Assemblée générale du Conseil des villes de Ville-Saguenay, la mairesse José Néron a annoncé que le projet d'amphithéâtre plus était sur la glace. José Néron a mentionné qu'elle préférait consulter la population sur l'offre de stationnement. Le président de l'arrondissement, Michel Tremblay, c'est lui, en a fait l'annonce hier lors de l'Assemblée générale du Conseil des villes. Il a invoqué la situation économique pour faire le recul. José Néron a indiqué qu'elle désire consulter la population pour voir ce que c'est que la population désirait avoir sur la zone ferroviaire. Et puis, c'est question des Saguenayens. Ben, les Saguenayens, hier, ont placé deux joueurs sur l'équipe d'étoiles de la semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Donc, il s'agit d'abord de Vladislav Kotkov, qui a marqué 4 buts et acheté une passe pour 5 points en 3 parties. Il a terminé le match en plus 7. Et le défenseur Jérémy Groslot, tant qu'à lui, a marqué un but et a jeté 3 passes et a terminé la semaine à plus 2 en 3 matchs. Maintenant, la Ligue du Lac-au-Fleuve a fait connaître ses honneurs individuels de la dernière semaine dans la Ligue de hockey de la Ligue du Lac-au-Fleuve. Donc, la première étoile est allée à Pierre-Luc Laprise qui a marqué 3 buts. La deuxième étoile, Cédric Dorion avec 2 buts, 1 passe. Et la troisième étoile, c'est Simon Tremblay du multiconcessionnaire de Boom-Sissigny avec une production de 2 buts, 1 passe pour 3 points. Maintenant, on va parler du côté de curling. Il y a l'équipe de Mélina Perron de Boom-Sissigny qui est en tournoi actuellement à Grand-Mère. Et hier, l'équipe de Mélina Perron a joué à 2 parties. D'abord, ils ont vaincu la formation de Roxane Perron par la marque de 7 à 4, mais a perdu 4 à 7 contre la formation de Gabriel Lavoie. Ça se poursuit aujourd'hui à Grand-Mère. Maintenant, on va parler de basketball senior. Il y avait un match qui nous intéressait. La Voix Maltais hier qui a gagné contre la formation de Robert-Val par la marque de 61 à 52. Maintenant, on sait que la soirée du Super Bowl aura lieu au mois de 3 février prochain. En entrevue sur les ondes de danradiosport.com, l'un des responsables, François Aymon, a expliqué que bon an mal an, au cours des dernières années, le comité a réussi à amasser 260 000 $ au cours des 27 dernières années. J'ai vu cette édition-là, dans le fond, les 26 éditions qui ont lieu avant, dans le fond, on a ramassé 260 000 $ là. Okay. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les premières éditions, dans le fond, c'était 1 000 $ 2 000 $ qu'ils ont ramassé. Ouais. Mais si on a eu des éditions comme la 20e édition, on a ramassé, je pense, aux alentours de 25 000 cette édition-là seulement. Okay. On a eu des grosses éditions. Là. Depuis à peu près, je te dirais, 10 ans, c'est toujours en moyenne entre 12 et 15 000 qu'on remet au fond. Et François Aymon explique qu'il y aura un honneur qui sera fait à Luc Thériault, qui est décédé il y a 5 ans. En tant que joueur, au niveau du football, mais aussi en tant que coach, en tant que... Il s'est occupé beaucoup des écoles aussi, animateur, autant au niveau au Lac-Saint-Jean, même jusqu'à l'université à Chicoutimi. Fait que c'est un gars qui avait une implication qui était vraiment totale au niveau du football. Là. Fait que on trouvait que c'était un beau moment pour remercier, dans le fond, ses proches actuellement qui vont être présents. Puis on invite tous les gens aussi qui ont joué au football avec Luc, puis ont connu Luc, à venir justement, dans le fond, se souvenir de lui. Puis c'est ça, ça va être un bel événement pour ça. Là. Il y a un invité d'honneur également que je connaissais pas du tout. Une compétition de patinage de vitesse sur courte piste qui s'est déroulée à Lévis au cours du week-end. Il y avait des honneurs individuels qui ont été décernés. La région qui a récolté 6 médailles en passant. Et il y avait des patineurs et des patineuses du secteur du Haut-du-Lac qui est en action. Notons la 13e place pour Simon Simard de Saint-Félicien. Également, à noter également que la médaille de bronze pour Oliana Dufour dans le groupe 2 chez les filles, Kira Pagé de Saint-Félicien après le 8e rang, et Lily Rose Tanguay a terminé en 13e position. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a fait quelques entrevues avec François Aymon, qui est responsable du comité du Super Bowl. Également, je me suis entretenu aussi avec Mélanie Dallaire. Le canicross est un nouveau sport qui gagne en popularité dans la région et en province. Et il y a un club qui s'est ouvert à Girardville, elle nous parle de cela. Également, vous pouvez écouter l'entrevue que Michel Tifo a réalisée avec Yannick Jean. Le sport local et régional à danradiosport.com.